Il est des lieux étranges que l'on souhaite occulter par désir, par envie, par nécessité morale. Il est des lieux étranges qui sont comme autant de miroirs de notre vie, un constat sinistre d'un mouvement sans but, d'une marche sans direction, d'une sorte d'avancée à reculons. Il est des lieux étranges dont on oublie leur bizarrerie dès que nous y passons quelque temps. Des lieux qui nous avalent, voraces, des lieux qui nous enivrent de leur voix de sirène, des lieux où les lendemains déchantent. Loin, bien loin de la tranquille ville de Bitbourg, la grande cité, 7h30 du matin. Bonjour. Bonjour, vous désirez ? Rebecca Comandéja, assistante de commission, matricule 627B, code de sécurité sociale 658-10-145-56, c'est bien ça ? C'est ça. Avez-vous rempli votre formulaire rose, la fiche de présence journalière, votre formulaire magenta et votre formulaire turquoise ? Non, pas encore. Présentez-vous au guichet 25 pour le formulaire rose, au guichet 32 bis pour la fiche de présence journalière, au guichet 45 pour le formulaire magenta et au guichet 53 pour votre formulaire turquoise. Quand vous aurez tout cela en main, je pourrai vous laisser passer. Très bien. Dans ces nombreux lieux étranges, il en est un qui régit même les règles. Une hydre incontournable, grosse comme la veine bleue d'une verge turgescente, qui serait brandie tel l'étendard d'une puissance masculine et... Pardon, excusez-moi, je m'emporte. Parmi ces nombreux lieux étranges, il en est un qui est vachement imposante. Le bureau du secteur. Au suivant. C'est encore moi. Vous avez le formulaire ? J'ai tout. Tenez. Très bien, d'accord, parfait, d'accord. Très bien, Rebecca commande déjà. Voici votre passe. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Et n'oubliez pas, travailler au bureau du secteur, c'est mon kiff. Suivant. Bienvenue dans les ascenseurs du Bureau of the Sector Corporation. Vous êtes prié de décliner votre identité ainsi que votre numéro de matricule. Rebecca Comandéja, matricule 627B. Rebecca comment ? Comandéja. Vous ne vous souvenez plus de votre nom ? Mon nom, c'est Comandéja. Rebecca Comandéja. Quel étage désirez-vous ? Le 65e. 65e étage demandé. Attention, top départ. Vous voici arrivé. Bonne journée et n'oubliez pas... Travailler au bureau du secteur, c'est mon kiff. Oh, c'est Rebecca. Bonjour à tous. Bonjour. Grosse pute. Alerte, alerte, une insulte vient d'être proférée à l'encontre d'un membre du bureau de classe argent, une étoile. Élimination de l'élément malpoli. Non, non, mais je connais, non, pas ça, non, pas ça, non. Monsieur son assistant. Mademoiselle Rebecca Comandéja, matricule 627B. Vous êtes en fin de retour. Oui. Monsieur le PDG n'est pas là. Il est en réunion pour le moment et... Au revoir, monsieur Caca. Faites bon voyage et surtout ne vous perdez pas en route. Oh, bonjour. Voici enfin l'une des filles de joie que j'ai commandée. J'en suis fort aise. Non, monsieur le PDG, c'est le matricule 627B, monsieur le PDG. Non, c'est pas une fille de joie. Ce qui ne m'empêche pas d'être relativement gay. Vous êtes lesbienne ? Non, gay, joyeuse quoi ! Ah ! Monsieur son assistant, quand viennent mes filles de joie ? Je les ai prévues pour 14h, monsieur le PDG. Oh, en pleine digestion ! Je tâcherai d'être plus discrète la dernière fois. Alors, matricule 627B, c'est bien cela ? Oui, monsieur le PDG. Prenez un siège, mais ne le volez pas. Je suis trop drôle. Rigoler ? Oui, pardon. Matricule 627B. Matricule 627B. Oh, c'est vous qui êtes parti accompagner le matricule 638A, c'est bien cela ? Oui, le chargé de commission au bureau du secteur, Vincent David, monsieur le PDG. Ah, et où étiez-vous depuis tout ce temps ? À Bitbourg, monsieur le PDG. Mais vous avez une voix qui m'est familière. Ah, c'est bon ? Étrange. Ce n'est pas la première fois que nous nous voyons, matricule 627B. Vous êtes venu dans mon bureau avant de partir pour cette ville-là. Pitville. Bourg. Et bourg et ratatam, pique et collégramme. Mais ce n'est pas vraiment le moment de jouer, monsieur son assistant. Alors, matricule 627B, je suppose que vous êtes là pour me faire votre rapport concernant votre mission. Oui, c'est bien cela. La mission répondant au nom de code de « Aussi loin que s'en souviennent les lilas », monsieur le PDG. Si l'on vous dit un jour que vous êtes accepté au bureau du secteur, prenez vos jambes à votre cou. Non, ceci n'est pas une position contorsionniste, remettez-vous droit, je vous prie, là j'ai une vue directe sur le Grand Canyon, quand vous êtes ainsi, c'était une expression. En gros, fuyez pendant qu'il est encore temps. Le bureau du secteur recrute chaque mois pour une seule et bonne raison, ceux qui ressortent du bureau du secteur partent les pieds devant. Beaucoup d'entre eux sont de la classe bronze, une classe qui compte beaucoup de membres mais de peu d'importance. Le PDG du bureau du secteur, lui, et de classe or. Allez savoir pourquoi. Je l'ai fait, ce qui me démange. Excusez-moi, je me gratte, hein. Alors, cette mission, aussi loin que s'en souviennent les lilas, c'est quoi? C'est un truc de jardinerie? Nous avons des usines de jardinerie, monsieur son assistant? Non, monsieur le PDG. Les seules choses naturelles que nous produisons sont des plantes carnivores pour les guerrieros colombiens. Ah oui, les guerrieros, charmants petits soldats. Ils vous émasculent un homme en moins de deux. Émasculé en moins de deux. Et bien rigolé. Alors, cette mission... Eh bien, si vous vous rappelez, vous m'aviez envoyé à accompagner le chargé de commission Vincent David. Non, je ne me rappelle pas. C'est qui ce David Vincent? Vincent David, monsieur le PDG, c'est un de vos meilleurs employés, efficace. Pas curieux pour un sou et surtout très très mais très con. Ah oui, j'aime bien les cons. Ils ne me gênent pas parce qu'ils ne posent pas de questions et se laissent faire. Ils sont cons, c'est bien ça. Continuez, mademoiselle. Comment déjà? Comment déjà, monsieur le PDG? Ah, je vais vous appeler matricule 627B, hein, ce sera mieux. Comme vous voudrez, monsieur le PDG. C'est vous le PDG, monsieur le PDG. Continuez! Go on, young lady! Eh bien, la maladie de monsieur Dumbo semble incurable. Quoi? Inguérissable, vous disiez, non? Si vous préférez. Génial! C'est le docteur Freud qui va être content. Un cigare, monsieur son assistant? Un cigare, matricule 627B? Pour fêter cette bonne nouvelle? Non, merci, monsieur le PDG. Allons, n'ayez pas peur! Je ne m'appelle pas Bill Clinton! Très bien. Alors comme ça, notre charmant cobaye, Vincent David, n'a pas pu guérir de cette maladie. Même l'air pur de la campagne n'y fait rien. C'est bien ça, très bien. Sauf votre respect, monsieur le PDG, j'émettrai une réserve. J'ai l'impression qu'au bout d'un moment, Bitbourg peut aider à guérir de la maladie de monsieur Dembo. Mon collègue, Vincent David, a l'esprit trop occupé par d'autres choses pour penser à la guérison de sa maladie. D'ailleurs, cette maladie, il l'occulte. Nous pourrions éventuellement nous rétablir en faisant de Bitbourg un lieu de cure pour la maladie de monsieur Dumbo. Une fois que nous aurons dispersé cette maladie sur le monde. C'est bon, votre cigare. Imaginez l'argent que nous pourrions en tirer. Oui, tout plein de pognon. Mais j'en ai déjà beaucoup. Enfin, un peu plus, un peu moins, quelle différence. Très bien. Et David Vincent, il n'est pas revenu avec vous? Non, il est resté là-bas. D'ailleurs, c'est pour cela que je suis revenue. Nous avons pris un très long congé maladie et... Monsieur le PDG? Oui, excusez-moi, matricule 627B. Nous venons d'apprendre le décès d'Igor et Grishka Bogdanov, l'une de nos inspectrices des fraudes sexuelles. Elle était partie à Bitbourg, je crois, pour vérifier que l'un de nos employés devait bien bénéficier d'un congé maladie supérieur à 4 mois. Pardon? Vous avez envoyé une inspectrice des fraudes sexuelles? Alors que vous saviez que nous étions en mission secrète et non en véritable congé maladie? Eh oh là, oh, le matricule 627B, faut arrêter, hein. On fait des petites erreurs parfois, c'est normal. Bon, comme dit le vieux bon dicton, l'erreur est industrielle, non? Et encore un employé de moins. Bon, il va falloir que notre service de recrutement se mette à pied d'œuvre. Merci, Jennifer. Votre secrétaire s'appelle Jennifer ? Bah oui, pourquoi ? Non, pour rien. J'ai connu une Jennifer à Bitbourg. Bon, vous pouvez disposer, matricule 627B. Rédigez votre rapport pour 17h ce soir. Ensuite, nous aviserons. Très bien. Et passez voir le docteur Freud pour qu'il remplisse les formulaires de congé maladie. Que votre collègue et vous-même ne soyez pas considérés comme déserteurs par notre ordinateur central. Et qu'il commande votre exécution avant la fin de la journée. Très bien. Il n'y a pas plus de conspiration dans le bureau du secteur que dans la charmante ville de Bitbourg. Non, dans le bureau du secteur, ce n'est pas des conspirations, mais des manipulations. Il y a même un service pour cela, le service des manipulations. C'est lui qui a mis au point le plan de la maladie de Monsieur Dumbo. Un plan que le docteur du bureau du secteur, Simon Freud, a tout de suite adoré. Oui, quand j'ai entendu parler de ce plan, j'ai tout de suite adoré. Vous avez adoré ce plan ? Oui, oui. Asseyez-vous, petite mademoiselle. Allez, Snell, Snell ! Allez ! Voilà, c'est très bien comme ça. Oui, pensez-vous, c'est génial. Créer une maladie qui provoquerait l'impuissance, donc l'impossibilité pour l'homme de se reproduire correctement pour ensuite vendre dans le commerce les bébés éprouvettes du bureau du secteur. La première grosse production de notre entreprise. C'est un rêve qui se réalise. Je vous pousse. Je me suis assise sur cette chaise roulante juste pour m'asseoir. C'est tout, docteur Simon Freud. Je n'ai pas envie que vous me fassiez faire le petit tour de votre laboratoire. Allons, mademoiselle Rebecca, depuis le temps que vous avez quitté le bureau du secteur, j'ai des nouvelles inventions à vous montrer. Allez, hop, hop, hop, hop. Et mes formulaires de congé maladie, vous me les remplissez quand? Parce que l'ordinateur central va bientôt me considérer comme déserteuse et commander à ces machines de m'exécuter. Eh bien, dépêchons-nous de vous montrer mes nouvelles inventions avant que les services de sécurité du bureau ne vous annihilent. Mais... Vous ! Voici sur vos droites des bébés éprouvettes en pleine gestation dans leurs bocaux, tels de grands cornichons, excepté qu'ils ne sont aucunement verts. Ces bébés éprouvettes-là sont noirs, avec des cheveux bouclés et présentent toutes les caractéristiques requises pour être athlètes vers l'âge de 20 ans. Sur votre gauche... Oh, pardon, j'ai failli vous faire tomber de la selle. Merci, j'avais remarqué. Sur votre gauche, ces bébés éprouvettes sont de type hispanique et tous ceux au fond sont voués à devenir des danseurs de flamenco. Nous verrons plus tard, suivant les demandes pour différentes options, telles que le placement dans les veines de votre enfant de cellules informatiques qui lui permettent de se brancher directement sur le web pour que vous puissiez surfer. Mais c'est odieux! Les enfants ne seront plus que des objets à vendre avec des options à la clé. Oui! Et c'est ça qui fait de moi un dieu et du bureau du secteur le paradis. Et qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Oh, ça... Eh bien, ce sont les bébés éprouvettes que nous gardons pour l'armée. Pour l'armée? Oui! Imaginez une centaine de bébés éprouvettes corses basés sur les veines des senteurs d'Imouvrigny. Imaginez plus tard, dans 20 ans, des bébés devenus des soldats, des milliers de troupes commandées chacune par un homme issu de notre laboratoire et qui porteraient en lui les veines de Patrick Fiori. Ce serait horrible. Voire même inhumain pour nos ennemis, mais 100 fois moins polluant qu'une bombe AS. Écoutez docteur, c'est bien beau tout ça, mais j'ai besoin de ces formulaires de congé maladie. Mon collègue Vincent David est resté à Bitbourg et j'aimerais bien que tout soit en ordre dans son bureau. De plus, je dois faire un rapport avant 17h, alors si vous pouviez vous dépêcher, ce serait bien. Oui, oui, les formulaires. Revenons à mon bureau, très bien. Bon, les formulaires... Oui, ceux de congé maladie, docteur Freud. Oui, bon, ça va, je sais ce que c'est. Bon, en voilà un déjà. Manque plus que les 14 autres. Ah, voilà. Bon, je remplis. Matricule 627B, Rebecca, commandez-la, assistante de commission, servez au bureau du secteur. C'est bizarre. Depuis que je suis revenue ici, j'ai remarqué que certaines personnes du bureau ressemblaient étrangement aux habitants de Bitbourg que j'ai pu rencontrer. Vous, par exemple. C'est étrange. Vous avez la même voix que le docteur Paolo Bottomi. Le grand chirurgien de Bitbourg. Enfin, c'était le grand chirurgien de Bitbourg. Il est mort depuis. Ah oui, intéressant. Vous trouvez? Non, pas du tout. Votre numéro d'accès aux arts sociales, s'il vous plaît. ZA 45 85 95 65 230 Baba. Baba? Comme le groupe? Non, le groupe c'est Abba. Moi c'est Baba, comme l'éléphant. Ah non, l'éléphant c'est Babar. Vous êtes sûr? Oui, zure écrasé. Oh, pardon. Non, c'est pas grave. C'est jamais que de l'eau. Baba, donc. Voilà, très bien. Vous avez le formulaire BEV? Le formulaire beige? Oui! Il faut que j'aie le formulaire BEV pour vous donner un reçu avec les formulaires de congé maladie. Ah non! Le formulaire beige est requis lorsqu'on veut un reçu pour une demande de bourse, docteur. Mais non! La demande de bourse se fait par les formulaires turquoise et un relevé d'identité buccale. Bancaire. Mais je vous en prie, je ne vous ai pas insulté! On dit relevé d'identité bancaire. Ah, mais ce ne... Docteur Freud? Oui? Ici Jennifer, secrétaire de monsieur le PDG. Je voudrais savoir si c'est vous qui avez les relevés médicaux du personnel. Et le service du recrutement demande si c'est possible d'avoir les formulaires gris tamponnés par vous. Ah, mais j'ai déjà dit que je ne tamponnais personne. C'est amoral. Qu'est-ce que je leur dis, docteur? Ne leur dites rien. Je vais les voir. À quel état sont-ils? Le service de recrutement se trouve au 80e étage, docteur Foreyeud. N'oubliez pas les relevés médicaux du personnel pour monsieur le PDG, hein? Oui. Bon, mademoiselle, je vais devoir vous laisser. Et mes formulaires de congé maladie? Vous n'avez pas le formulaire BEV. Je ne peux pas vous donner de reçu pour le formulaire BEV. Donc pas de formulaire congé maladie. Désolé. Mais j'ai besoin de ces papiers. Eh bien tout à l'heure, aux toilettes, j'avais besoin de papiers aussi. Je n'avais pas de reçu. Je n'en ai pas fait une zonisse. Allez-vous, du balai, j'ai à travailler moi. Le bureau du secteur est comme une machine bien huilée. Tout repose sur des formulaires qui permettent d'obtenir d'autres formulaires contre lesquels on reçoit un reçu qui permet d'avoir un formulaire qui finalement ne sert pas à grand-chose. Le plus important n'est pas dans la finalité au bureau du secteur, mais bien dans l'apparence. Nous sommes arrivés au 30e étage, moins le quart. Service relations personnelles. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Vite, je suis en retard. Bon, vous sortez de l'ascenseur, oui ou non? Il est coincé. Les portes se sont ouvertes, mais il n'est pas encore totalement arrivé à l'étage. Même en tendant les bras, j'arrive pas à atteindre l'étage. Je suis bloqué. Oui, bon, mais moi je suis en retard. Vous pouvez m'aider? Bah, je suis le réparateur d'ascenseur. Mais je peux tout réparer dans la maison. Par contre, je suis pas du tout un sauveteur de gens coincés dans l'ascenseur. Vous avez juste à me tendre les mains. Non. Comment ça, non? Vous avez une demande d'extraction d'ascenseur en panne? Bah, non. Si vous n'avez pas de demande d'extraction d'ascenseur en panne, moi, je peux pas vous sortir de là. Mais enfin, c'est pas... Là, je suis en retard. Il faut que vous sortiez de l'ascenseur pour que je le répare. Mais puisque je vous dis que je suis coincé... Il est de notoriété publique que les réparateurs d'ascenseurs au bureau du secteur sont cons. Bon, si tu m'aides à sortir d'ici, je te montre mes seins. Ça équivaut à la demande d'extraction de l'ascenseur en panne, ça. Ouais, sauf que ce n'est pas reconnu comme tel par tes supérieurs. Oui, mais pour moi, c'est bon. Pour toi, c'est bon. Oh là là là là là, allez, vite, montrez. Et zou, ça te va? Vous l'avez reçu? Ça ira, merci. Donnez-moi votre main. Oui, voilà, vite. Maintenant, faut que je le répare, cet ascenseur. Le service des relations avec le personnel. Situé au 30e étage moins le quart, il regroupe toutes les personnes assurant la communication interne au bureau du secteur. On y retrouve les directeurs de relations du petit personnel ou des RPP, les directeurs de relations personnelles ou des RP, les directeurs de relations très personnelles ou des RTP, les directeurs de relations humaines ou des RH, les directeurs de relations inhumaines ou des RI pour tous les animaux qui travaillent au bureau, tels les deux tigres du service réclamation qui travaillent si bien qu'on n'enregistre aucune réclamation dans l'année. À part peut-être quelques os manquants ici et là. Il y a également les directeurs de relations avec les directeurs de relations ou DRDR, mais ceux-là, personne ne les a encore rencontrés. Bonjour à tous, ici Jennifer, la secrétaire de Monsieur le PDG. Je vous informe que la cantine sera ouverte de 12h25 à 12h28. Vous aurez 3 minutes pour manger. Réunion exceptionnelle de tous les réparateurs de sanitaires à 14h35 au sujet des pannes de nos derniers sanibroyeurs. À tous ceux qui n'auraient pas encore rempli leur fiche individuelle d'état au bureau, qu'ils se rendent au service gestion des retards pour demander un formulaire de prolongement de délai. N'oubliez pas votre reçu jaune, bonne journée à tous, et n'oubliez pas, travailler au bureau du secteur, c'est mon kiff. Entrez ! Bonjour, je suis l'assistante de commission chargée au bureau du secteur, Rebecca Commandeja, matricule 627B. Je viens vous voir au sujet Fermez de... la porte derrière vous ! Oui, madame la DRH, bien sûr. Qu'est-ce que vous désirez, matricule 627B ? Eh bien voilà, je suis revenue d'une mission spéciale et je dois repartir. Je voulais prévenir pour... Voilà, je pense à donner ma démission. Je ne suis plus à l'aise ici. J'ai découvert une charmante petite ville. Vous voulez ? Je ne peux pas dire ce mot. Il est interdit ici, vous le savez bien. Oui, démissionner. Ah, malheureuse ! On ne fait pas ça ici, on se fait licencier. On ne se licencie pas soi-même. Trouvez autre chose. Eh bien... Bon, je veux bien rester, mais voyez-vous, j'aime Bitbourg. Bitbourg, c'est la ville où j'étais en vacances avec le chargé de commission Vincent David. Vous savez, le grand et beau qui rajoute des R partout quand il s'énerve. Ah, celui qu'on a envoyé en mission dans une petite ville du Bas-Rhin pour voir si la maladie de Monsieur Dumbo est curable ou non. Comment vous le savez ? C'est une mission secrète à la base ! Mais oui, c'est vrai, comment je le sais ? C'est étrange. Nous aurions des fuites au bureau du secteur ? Une machine si bien huilée que ça pour cent, c'est impossible. Ce n'est pas normal. Excusez-moi un instant. Allô ? Oui, elle est dans mon bureau. Oui, monsieur le PDG. Bien sûr, monsieur le PDG. Je vous la passe tout de suite. C'est pour vous. C'est monsieur le PDG. Allô ? Alors, ma petite, ça se passe bien. On prend ses marques. Eh bien, on essaie, mais... Vous voulez déjà nous quitter ? Je viens d'entendre ça par notre système de surveillance qui filme tout 24 heures sur 24 et qui diffuse cela sur notre chaîne câblée. Vous devriez mettre un peu plus d'ardeur dans vos propos. Le public aime bien quand ça chie. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Eh bien, je ne sais pas. Insistez sur votre démission et après, on vous tue et on caracole en tête dans les sondages médiamétriques. Mais je ne veux pas mourir ! Alors là, oui, évidemment, si vous n'êtes pas prêt à faire des concessions, trouvons autre chose. Monsieur le PDG, je vous fais mon rapport tout à l'heure et je repars à Bitbourg. On devrait trouver mieux. Ce n'est pas une idée que je vous propose. Ah bon ? C'est triste. On en reparlera dans mon bureau. J'ai hâte qu'on mette la maladie de Monsieur Dumbo en service pour ensuite vendre des bébés éprouvettes à tous les couples. Allez, à tout à l'heure, matricule. Comment déjà ? Non. Comment déjà ? C'est mon nom. Hein ? Enfin bref, peu importe. À tout à l'heure. À tout à l'heure, monsieur le PDG. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Ça ne regarde que moi. Je vous trouve bien curieuse pour une DRH. C'est peut-être pour ça qu'il a des fuites. Bon, où en étions-nous déjà ? Ah oui, vous vouliez quitter le bureau du secteur. Mais c'est impossible. Vous avez signé un contrat à vie. Un contrat à vie ? Oui. Vous êtes pieds et poings liés au bureau du secteur. D'un autre côté, c'est lui qui vous nourrit. Bon. Eh bien, je voudrais faire une nouvelle demande de congé maladie. En mission spéciale, bien entendu. J'avais bien compris. Vous repartez donc à Bitbourg ? Oui. Si je dois continuer à travailler pour le bureau, autant que ce soit le plus possible à Bitbourg. Je dois vérifier si Vincent est guéri ou non pour qu'ensuite on injecte insidieusement la maladie de Monsieur Dumbo à tous les mâles de la Terre. Très bien. Je vais vous donner le formulaire qui gère les congés maladie pour les sorties. Vous avez les papiers du service médical du docteur Simon Freud ? Non, il n'a pas voulu me les donner. Bon, ne vous inquiétez pas. Nous avons le formulaire qui remplace tous les autres formulaires requis en cas de problème. C'est-à-dire que si un service ne veut pas vous donner les papiers nécessaires pour obtenir un autre papier, on utilise le formulaire Monica B25 qui remplace tous ces papiers nécessaires. Ah, d'accord, j'ai compris. Pourquoi vous gloussez comme ça ? Je sais pas, je contrôle pas. Bon, il est où ce foutu papier ? Je le retrouve pas, mince. Gunther ! Gunther ! Gunther ! Je suis à côté de vous, madame la DRH. Oh, Gunther ! Ne me faites pas peur comme ça, vilain, va ! Ouh, le formulaire Monica B25, vous savez où il se trouve ? Non, madame la DRH. Oh, Gunther, arrêtez ! On va vous faire un procès pour harcèlement sexuel, sinon. Non, pas là ! Excusez-moi, je cherchais le formulaire Monica B25. Qu'est-ce que je fais, moi ? Je sais pas, allez voir au service manipulation, c'est peut-être eux qui ont le formulaire. Lorsqu'un appareil tombe en panne, c'est l'une des branches du service réparation qui est requis sur l'instant. Généralement, ils viennent rapidement car ils ont beaucoup de travail, comme les hommes du service réparation de l'ascenseur. Et pour n'importe quelle action au bureau du secteur, il est nécessaire de remplir un formulaire, ce qui complique relativement la tâche. Non, non et non ! Je te dis qu'il fallait que tu remplisses le formulaire de prise de boîte à outils avant de partir. Là, tu nous as mis dans la mouise. Je ne sais plus quelles boîtes à outils sont utilisées ou non. chaque fois que tu pars en mission, remplis un formulaire de boîte à outils. Mais on n'avait plus de reçu. Comment voulais-tu que je fasse? Que je remplisse le formulaire et que je parte préparer ce fichu ascenseur sans reçu? Non, tu aurais dû demander un tout petit tas de reçus. Ah, ça va, hein, j'en ai demandé. Et alors? Eh ben, il n'y en avait plus. Eh ben, tu aurais dû demander un formulaire pour obtenir de nouveaux duplicatas de reçus. Tu les aurais eu dans la seconde si tu avais rempli le formulaire. Excusez-moi. Vous voulez quoi, vous? L'ascenseur est réparé? Je peux l'utiliser? Vous avez un reçu? Non. Prenez l'escalier. Même les escaliers du bureau de secteur sont soumis à des règles. La première est de toujours, toujours se munir de chaussures à semelles antidérapante avant de poser le pied sur une marche. L'année dernière, une trentaine d'employés du secteur ne se sont pas soumis à cette règle. Ils ont dévalé 150 étages après avoir glissé sur la première marche. Certains sont encore en bas, en pleine décomposition, car le service funéraire du bureau du secteur recherche toujours le formulaire d'enlèvement des corps. Bonjour, bienvenue dans les escaliers du Bureau of the Sector Corporation. Quelle taille chaussez-vous? Du 38. Veuillez vous mettre devant le bac. Nous allons vous faire parvenir vos chaussures. Hey, c'est du 44! Je chausse du 38, moi! Pour toute réclamation, veuillez vous rendre au service de réclamation du rez-de-chaussée. Ensuite, nous pourrons éventuellement accéder à votre requête. Bonne journée! Ouais, c'est ça. Travailler au bureau du secteur, c'est mon kiff! Et le mien, y tout. Bon, je mets les chaussures et direction le service manipulation et création pour le trouver, ce fichu formulaire Monica B25. Sinon, je peux dire adieu à Bitbourg et à Vincent. Allez, on est parti. J'y suis. Le 10e étage, service manipulation et création. Attends. Mais vas-y, Kevin, c'est mon tour maintenant. Attends, je te dis. Chien Zeppelin. Et à moi. Tiens, Brian. Je suis une montgolfière! Non mais attends, c'est complètement con! Une montgolfière, ça a pas d'hélium! Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Rebecca comment déjà, assistante de commission. Je travaille au 44e étage. Ouais, je voulais quoi? Vous n'êtes que deux à travailler au service manipulation et création. Mais non, il y a aussi Josh, un mec qui veut prendre la pièce derrière la photocopieuse. Il a trop bu? Non, il fabrique une cuve pour qu'on fasse du skate! Je vois que vous vous amusez bien. J'étais jamais venue avant ici. C'est grand, dites donc. C'est normal que peu de gens viennent. On est un service secret. Mais pourtant, tout le monde le connaît dans le bureau. Oh merde, il est vite. Au fait, je reviens d'une mission que vous avez mise au point. Celle des haricots sans terre. Celle où on fait gonfler les seins des femmes pour commercialiser les soutiens-gorge montgolfiens. Celle où on fait parvenir aux médias un faux document comme quoi les tremblements de terre seraient dus à des géants qui vivent dans le centre de la terre et qui pètent. C'est pour faire quoi, ce plan d'ailleurs? Pour que le bureau du secteur vende ses masques à gaz en grande quantité. Ah oui. Non. Celle où on injecte la maladie de Monsieur Dumbo à tous les hommes pour qu'ils deviennent impuissants et qu'on vende des bébés éprouvettes à tous les couples en détresse. Oh oui, pour que le bureau du secteur crée lui-même les générations futures, c'est vrai. Et oui, pour qu'on soit plus que les seuls à pouvoir ken sur Terre. Yeah. Oui, voilà. J'ai accompagné le chargé de commission Vincent David dans une petite ville pour voir si l'air pur de la campagne pouvait le guérir. Ah, ok. Oh, ouais, c'est cool ça. On peut faire quelque chose pour vous? Oui, je cherche le formulaire Monica B25. C'est au service de relations avec le personnel que vous pourrez le trouver. J'en viens et ils l'ont pas. Quoi? Mais c'est affreux! Le monde c'est cool! C'est uncool! Vous l'avez pas si je comprends bien. Il n'existe qu'un formulaire Monica B25. Il est très dangereux et ne peut être utilisé que dans les cas extrêmes. Qui a bien pu le voler? Et qui sait ce que le voleur en a fait? Il a peut-être faussé les dernières données du bureau du secteur. Peut-être que tout le travail de cette année n'est plus viable. Peut-être même que notre vie n'est qu'un immense mensonge. Peut-être que le roller skate n'est même plus fun. Il faudra prévenir le PDG tout de suite. Oui, le Big Boss, lui, il saura quoi faire. Le formulaire Monica B25 a disparu? Le bureau du secteur est une superbe machine bien huilée. Mais même les meilleures machines perdent toute fonctionnalité lorsque l'un de ces éléments, même les plus petits, disparaît. En l'occurrence, le formulaire Monica B25 s'avérait être la clé de voûte de l'entreprise. Qu'allons-nous faire, monsieur le PDG? Rebooker tous les ordinateurs, lancer la police dans tous les services, trouvez-moi celui ou celle qui a volé ou perdu le dossier Monica B25. Et faites-moi venir le responsable du service interrogatoire et rédaction des formulaires. Il est déjà là, monsieur le PDG. Ah, tant mieux. Matricule 627B, qu'est-ce que vous faites là encore, vous? Vous avez terminé votre rapport? Non, mais je ne peux pas vous le présenter si je n'ai pas tous les papiers. Le docteur Freud ne veut pas me les donner, alors je dois avoir recours au formulaire Monica B25. Comme il est introuvable... Oh, c'est de l'huile! C'est la tuile, monsieur le PDG, la tuile. Bon, il est où, là, le responsable du service interrogatoire et rédaction des formulaires? Juste devant vous, monsieur le PDG, devant votre bureau. Ah, ça va? Vous vous appelez comment déjà? Et faites vite, parce que de toute façon, votre nom, je l'aurai oublié dès que vous aurez passé le pas de ma porte. John, la question, monsieur le PDG. C'est moi qui m'occupe de A, la création, B, la rédaction, C, la conception de tous les formulaires du bureau du secteur. Ah, très bien. Vous êtes l'instigateur de ce formulaire Monica B25. Quel service en avez accès? Eh bien, A, le service contentieux, B, le service relation avec le personnel, C, vous, D, tous les autres services. Ah, ça ne nous facilite pas la tâche. Ça, c'est ça. A, sûr, B, bien vrai, C, chiant, D, totalement faux, E, une histoire déprimante. Monsieur son assistant, dans tout ce qu'il dit là, on doit rayer la mention inutile? À vous de juger, monsieur le PDG, c'est vous le PDG, monsieur le PDG. Monsieur le PDG, ici Jennifer, appelle monsieur le PDG. Roger, papa Tango Zoulou, ici le PDG. Oh, bonjour, ça va? Oui, ça va, et vous? Oh, j'ai mal au cul dans mon fauteuil, mais bon. Vous vouliez me dire quelque chose, Jennifer? Oui. Pourquoi donc utiliser à chaque fois cet interphone qui nous éloigne alors que nous pourrions être si proches? Venez, mon enfant. J'arrive. Monsieur le PDG. Vous avez fait vite. C'est normal, elle est juste à côté de votre bureau. Alors, une bonne nouvelle, j'espère. Alors, nos actions ont chuté de 200%, le bureau du secteur est en faillite, et Brian et Kevin du service manipulation et création ont sifflé tout l'hélium qui servait aux expériences du docteur Simon Freud du service médical. Votre femme a appelé, elle est morte ce midi, et votre fils est passé pour vous laisser un message, une bombe je crois, puisque deux types du service vérification des cadeaux que l'on offre au PDG ont sauté comme des gros caca en l'ouvrant. Dites, ça fait 14 ans que je travaille ici, je suis partie 4 mois à Bitbourg en mission spéciale. Je voulais juste demander, il s'est passé beaucoup de choses pendant ces 4 mois, non? Le formulaire Monica B25, il porte la poisse, non? Mon Dieu! Calmez-vous, monsieur le PDG, votre pacemaker risque un infarctus. Branchez-moi sur secteur pour qu'il continue à marcher, vous voulez bien? Tout de suite, monsieur le PDG. Oh oui, j'oubliais. Le service central électrique nous annonce une panne de courant pouvant aller de 1h à pour l'éternité. Nous sommes maudits, monsieur son assistant, maudits! Matricule 627B, c'est bien ça? Oui, monsieur le PDG. Vous pouvez repartir à Bitbourg. Partez pendant qu'il en est encore temps. Profitez de la vie là-bas. Revenez quand vous aurez terminé votre mission. À savoir si Bitbourg peut guérir Vincent machin là, de la maladie de monsieur Dumbo. Je vous donne un an de plus. Très bien, monsieur le PDG. Je ne vous fais pas de rapport donc. Ça ne sera pas nécessaire. De toute façon, tout le papier a brûlé dans un gigantesque incendie qui s'est déclaré il y a 5 minutes. Dépêchez-vous de partir, bientôt tous les accès seront condamnés. Oh, c'est A, une tragédie, B, une catastrophe, C, une terrible nouvelle, C, super chouette. Il avait bien rayé la mention inutile là, monsieur son assistant. Oui, monsieur le PDG, oui. Oh oh. Bon, eh bien au revoir alors, je retourne à Bitbourg. Tout est en règle, hein? Vous enverrez personne d'autre pour vérifier que nous sommes bien en congé maladie, hein? C'est d'accord? Bon. Allez, salut! La grande cité, 16h30 de l'après-midi. Une demi-heure avant ce qui aurait dû être le rapport de Rebecca Comandeja au PDG du bureau du secteur concernant la mission répondant au nom de code aussi loin que s'en souviennent les lilas. Le formulaire Monica B25 est toujours porté disparu. Et le bureau du secteur s'embrase à tous les étages. La moitié de l'immeuble succombera aux flammes avant que les pompiers ne puissent y mettre un terme. Et cette journée, Rebecca Commandeja retiendra l'absence totale de fantaisie et de folie, tout ce qui caractérise notre bonne vieille ville du bas. Sa mission, elle l'oublie. Elle roule, vitres ouvertes, cheveux au vent, le sourire aux lèvres, tout simplement heureuse. La grande cité est loin derrière elle. Devant, juste là, c'est le toit de l'église, la cheminée de la joyeuse goutte, la ligne droite que forme la grande rue, les formes majestueuses de l'hôtel de ville, non loin, dans un champ, la ferme du Périsan et quelque part au loin, l'imposant hôtel à la belle étoile. Rebecca Commandeja inspire de grandes bouffées d'oxygène. Elle n'a qu'un mot sur le bord des lèvres, un mot qui la laisse toute chose et la remplit d'un bonheur fécond. Bitbourg.